On est trop lourd mais pas fainéant. Et quand on pose ça dramatise. Fais des feux de camp avec ton scooter pendant que nous on crame la tige. Fais pas confesser les gros jugements. J'ai plus grave la piste, y'en a qu'on faussé. Tomber dans le fossé, tomber dans la piste. Mais gros ça me fatigue, y'a pas de pratique. À part quand je suis écarte, on a la tactique. Et toi t'as la trique quand tu vois mes cartes. Mais gros moi je patine, y'a qu'à le dire. T'es mal la gueule, tu comptes tes barnes, commence la partie. Toi t'es parti avant le top des bars. Lance les paris, y'a pas qu'à Paris. Compose des couplets ça. L'approche j'aime la cabaret, j'te parie que je suis prêt à découper ça. Bimet shot dans vos mères, je me crois dans Call-off, c'est le bon fell off. J'ai pas du son pour le cul ta sœur dans ma loge. Tire le bonbon, viens voir ta pouce s'affiche. J'ai pour 2 grammes ta gauche, tu la verras tes rap avec ses cons. Quel est le PD qui m'a dit que les bons comptes font les bons amis. Moi j'y crois plus ma tronche, j'ai pas mes amis qui règlent mes cons. N-A-H-N, D-O-K-2-A-N, amener le coca, le label, ouais c'est l'occasion de se la mettre. Va y avoir du gazage de bouche, dès le basage c'est rouge. Tu prends des headshots, on va faire tout tassage de mouche. N-A-H-N, D-O-K-2-A-N, amener le coca, le label, ouais c'est l'occasion de se la mettre. Va y avoir du gazage de bouche, dès le basage c'est rouge. Tu prends des headshots, on va faire tout tassage de mouche. Tu cherches ton micro, c'est simple, utilise ta bite. T'es nullissime là, mais je te brise de façon multisyllabique. Ta génétrice m'attend au bout de la rue en bois. Tu joues les truands de la tessine, coach au ruban adhésif. Tortiller du boule, non j'ai pas la gestuelle. Pour finir en vitrine avec le rap et ses ruelles rouges. J'ai écouté le tien, y'a 4 rimes, je te félicite. Ton flow date de l'époque de Catherine de Médicis. Personne n'impressionne ces soi-disant puristes, me suce. Boxe avec les mots polytechniques, je leur urine dessus. Solitaire, face à ces mauvais kickers, c'est nul. Ma concurrence n'existe pas, tout comme sneakers, c'est nul. Ma plume est belle, appelez-moi Guillaume Apollinaire. Je domine la discipline façon mafia napolitaine. Je leur rendrai jamais service, même si la police m'aide. Et je reste à l'ancienne, car j'aime trop faire de la mobilette. N-A-H-N, D-O-K-2-A-N, amener le coca, le label, ouais, c'est l'occasion